Chapitre 12e. Les égoutiers fantastiques. La rue des Martyrs et la rue Notre-Dame-de-Lorette se rejoignent derrière la petite église. Ces rues restent toujours vivantes, bruyantes, surtout aux heures de la montée et de la descente de Montmartre. Pendant que cette joyeuse randonnée s'effectuait, une équipe d'égoutiers venait commencer son travail derrière l'église. Là se trouvait un regard. Les égoutiers l'entourèrent d'une grille de fer. Puis ils soulevèrent la plaque de fonte qu'ils rangèrent le long du trottoir. Et les petites lampes à acétylène portative réglementaire en main, trois hommes s'engagèrent par l'ouverture. Un homme demeura en faction devant le regard ouvert. Cet homme se tint là, assis près de l'ouverture. Il se mit à fumer tranquillement la pipe, tout en prêtant l'oreille, guettant les bruits, les ordres, les appels qui pouvaient venir de sous terre. Depuis un assez long moment, il se trouvait là, à son poste, quand une nouvelle équipe d'égoutiers, venant de la rue Saint-Lazare, tout à coup se présenta devant le regard. Généralement, les égoutiers revêtent leurs habits sur le chantier même. Là, ils endossent leurs grosses côtes et enfilent les grandes bottes de cuir qui remontent jusqu'à la ceinture. Ceux qui arrivaient en ce moment, contrairement à cet usage, s'avançaient tout équipés, tout harnachés et les lampes allumées. Ils venaient à pas lents et lourds comme le permettent les bottes massives. Quand au sortir de la rue Saint-Lazare ils apparurent, l'homme qui veillait auprès du regard derrière l'église Notre-Dame de Lorette se dressa soudain, et très étonné, il regarda cette équipe venir vers lui. Et quand l'équipe nouvelle ne fut qu'à quelques pas de lui, il se mit rapidement à descendre par les échelons de fer et s'enfonça dans le trou. Hé, la coterie ! Lui cria l'un des égoutiers qui venait. Hé là, où que tu vas ? Attends-nous ! Mais l'autre se garda bien d'attendre et même de répondre. Il disparut comme par enchantement. Cette singulière manœuvre n'eut pas l'air d'émouvoir beaucoup les hommes qui venaient. En effet, sans hâter le pas, tranquillement, posément, ils arrivèrent jusqu'au regard. Ils s'approchèrent de la grille de fer. L'un d'eux l'ouvrit, passa, et se disposa à descendre.